clown est l'unique passant. Sur ta joue. Un coup de revolver, un cri, dans l'ombre un portrait assourdi. La vitre du cadre est brisée. Un air qu'on ne peut définir. Hésite entre sous et poser. Entre avenir et souvenir. Voici que s'en vient la saison.